temps est à l'arrêt depuis que je suis dans l'abîme. Je suis une fille d'une petite famille. Sans histoire facile, je vis loin de ma vie. Je barbouille de noir les glaces et les miroirs. Je crie ma rage, mon désespoir, quand sombre je viens le soir. J'ai peur de ma vie, de savoir qui je suis. Je m'accroche à ce que je vis. Je décroche le boulet qui me suit. Je joue avec les échelles depuis que je veux monter au ciel. Je suis une fille d'une petite famille. Sans histoire facile, je vis loin de ma vie. J'ai peur de ma vie, de savoir qui je suis. Déchirer ma peau.